Exercice 2, page 111. A. Elle la suit. B. Elle l'a tué. C. Elle la tue. D. Il la cuite. E. Il n'aime pas le brie. F. Est-ce qu'ils sont suisses ?